Studio N, DC H, A. Tu me connais? Aïe. 9-8, j'irai présent, le gars. Reproché parfois, je veux des billets pour acheter des liages. Préférant des gagnes pour appuyer ou des de fromage, gars. La fortune sourit, souris aux audacieux, gars. J'étonne pas de mon quartier, jeune comme je suis vieux, gars. Les temps deviennent durs, difficiles pour nous aujourd'hui. Frangin de parsemer sa semence chaque jour. Veille au bon grain que la récolte soit bonne chaque année. C'est ça que j'ai pris, Seigneur, m'en va. Rien pour rien, par mon front viendra la sueur. Cette sueur a coulé de mon front, mon col en étage. T'es si joli chaque semaine comme un gueudin. C'est pour le pouvoir d'acheter, vous gueudin. Tu aimes chic. Rap que pour tes gains, les meufs sifflent à chaque fois. Si pour ton compte elles ont le béguin, j'ai rêve de cueillir des billets sur les putains de branches d'un chêne. Ça c'est comme dans l'Is. Ici c'est le pays où chacun se démène. Nous on se lève tôt, payer le ticket dans le bon wagon. Pas de crash matinée, nourrir les cafards et acheter bégon. Certains lâchent des gains cash, des faux flingues juste pour du cash. Mais il faut que tu saches que par le pistolet tu finis à coup de hache. Tu veux jouer au truand dur pour que la détente te rapporte. Mais même dans les films de tueurs gangsters, c'est le bon qui le remporte. Comme tu veux que le mal règne, si le mal gagne, j'attends gagne pour des enfants noirs, ici de femmes qui ont porté des pagnes. Bref, j'ai l'aptitude de vaincre sans devoir sortir les armes, sans dealer de la cocam, sans devoir faire couler de larmes. Alors refroidis-moi, tu sais comment s'enfonce une punaise facilement, avec appui comme cela est écrit dans la Genèse. J'espère que tu ne pries plus pour qu'on exauce tes prières, car j'ai l'impression que tu voudrais que s'étende le règne de Lucifer. Reprocher parfois, je veux des billets, brasser des liasses, préférant des galbans, billets ou des holtes de fromage, gars. La fortune sourit, souris aux audacieux, gars. T'étonnes pas dans mon quartier, les jeunes par Reprès et parfois, je veux des billets, brasser des liasses, préférant des gains de porte billets ou des hautes de formage, gars. La fortune sourit, souris aux audacieux, gars. N'étonne pas dans mon quartier, les jeunes paraissent plus vieux. Arrive le daddy plein de rimes de face compromis. Apportant ceux qui manquent au hip-hop, vaut mieux parce qu'il vomit. Façon promis, l'insoumis, il trouve un de ses compromis. Au fin fond d'un son cramé, lui enlevant son air de paumé. À consommer avec modération, car pour habituer, pour ceux qui font de l'argent légalement, illégalement. Sans prison, peut même pas pression, cause et raison. Disons ce qu'on a pas, le perdons pardon, car on leur prendra. Ainsi va la vie, les aléas, faut faire avec ce qu'il y a. S'il y a, sans soucier de ce que l'on dira. Pauvre un cœur de pierre, mal éduqué, la tête un caillou. L'esprit racaillot, de simple voyou, pour qui nous croit du voyons. Ton histoire à pleurer, rajoute-y une note de violon. Mais avant, sache que violon traite sans se brader et se dévaluer. Du gamin au vieillard, pas de repos pour la matière grise. Aspire pour que le départ se fasse en douceur sans surprise. Bien que sans surprise, t'assumes ta thune, sans sort pas prise. On me reproche souvent d'avoir voulu grandir trop vite. Les jeunes maintenant à 13 ans veulent en paraître 18. La galère s'en sortir, essayer de sortir du chaos. Montrer que ta tête n'est pas remplie de carottes et de cacao. La brute épaisse sur présente, donne pas que d'empieux et pas haut. En un mot, malgré tes défauts, un service, un cerveau. Ya, daddy lordy, don't cha, aïe. Reprocher parfois, je veux des billets, brasser des liasses. Préférant des cannes pour un billet ou des holtes de fromage, gars. La fortune sourit, souris aux audacieux, gars. N'étonne pas dans mon quartier, les jeunes paraissent plus vieux, gars. Reprocher parfois, je veux des billets, brasser des liasses. Préférant des cannes pour un billet ou des holtes de fromage, gars. La fortune sourit, souris aux audacieux, gars. N'étonne pas dans mon quartier, les jeunes paraissent plus vieux. Ya, vieux, 9-9-8. Le 9-3 j'y représente, gars. Le 9-2 j'y dédicace, aïe. S-R-S-O, Kenji. Derrière les barreaux, aïe. Les miens j'y représente. Les miens j'y représente, gars. Les miens j'y représente. 9-3 j'y représente, gars. Le 9-2 j'y dédicace, aïe. Remettre l'ordre ici, aïe.